La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture. La Malle de Sinbad, 7e épisode, l'ambassade. Marhaba bikoum fi barnamej sandouq Sinbad. Bienvenue à vous dans l'émission La Malle de Sinbad. Nous avions laissé notre ami émerger dans le royaume de Serendib, l'actuel Sri Lanka. Quelle fête! Quel triomphe! Le souverain l'avait alors chargé de porter au calife Haroun al-Rashid des cadeaux diplomatiques. Une coupe taillée dans le cristal de roche, un tapis en peau d'anaconda, du camphre, des défenses d'éléphants et une jeune esclave. Il lui avait également remis une missive d'hommage. En s'acquittant dûment de sa mission, Sinbad avait épinglé un honneur politique au revers de sa robe. Pourquoi voguer une énième fois? Par désir? Par devoir? La seule BNF, Bibliothèque Nationale de France, conserve 8 manuscrits des aventures de Sinbad le Marin. Écoutez les dissonances. J'avais réalisé de nombreux bénéfices, obtenu de grands avantages. Je pouvais désormais laisser le temps s'écouler de la sorte, au long des nuits et des jours, l'humeur sereine et le cœur content. Mais mon âme charnelle eut bientôt envie d'autres plaisirs. Elle ne pouvait se passer de ces spectacles surprenants que seuls peuvent offrir les pays lointains. Déjà, elle commençait de voguer sur les mers en compagnie des voyageurs qui recueillaient pour moi de nouvelles du vaste monde et qui ne manquaient jamais de venir me les transmettre. Je pris donc l'initiative de mener à bien mes préparatifs de départ, emballant une nouvelle fois objets rares et marchandises précieuses. Et je fis transporter le tout de Bagdad jusqu'à la ville d'Al-Basra. Là, je n'eus pas trop de mal à trouver un bateau en partance sur lequel je fis embarquer mes ballots. Bis repetita placet. L'antienne est ressassée. Elle figure ainsi dans la traduction de René Khawam, lequel a minutieusement compulsé le fond de la BNF à Paris. Mais il y a un autre son de cloche à entendre, que ce soit dans la traduction de Galant ou celle de Bencher et Mikkel. Oyez, Mustamirin al-Kiram! Radio Culture Dijon, vous écoutez les aventures de Sinbad dans la Malle de Sinbad. Mes chers amis, au retour de mon 6e voyage, je retrouvais l'existence que je menais auparavant, faite de jouissances et de bonheur, de distractions et de plaisirs. Je vécus ainsi longtemps, jour et nuit, dans la quiétude et la joie. J'avais acquis une fortune considérable, dont je tirais de très grands bénéfices. Je n'avais plus maintenant le désir de voyager. Mon âge ne me permettait plus de courir le monde et surtout d'endurer les fatigues, d'affronter les dangers de la navigation. Mais il se trouva qu'un jour, le calife Haroun al-Rashid me fit mander. Je me rendis au palais fus introduit et baisai le sol devant le souverain. Son chambellan me fit asseoir non loin de lui, à une place qui convenait à mon rang. Après s'être enquis de ma santé, il me dit ces paroles. « Sinbad, il faut te rendre auprès du roi de Sarandib. Tu lui remettras une lettre que j'ai dictée en réponse à la sienne, et lui offrira les cadeaux que je lui destine. Il sera sûrement fort content de te revoir et de te renouveler l'amitié qu'il t'a déjà exprimée. Prépare-toi donc à partir. » À ces paroles, le monde s'assombrit à mes yeux, comme s'il se couvrait de nuées. J'étais surpris et perplexe. J'avais fait vœu de ne plus jamais quitter Bagdad. Mais comment déplaire au calife et lui refuser obéissance ? Je ne pus que répondre que j'avais écouté et que j'obéissais. Il me fit remettre 10 000 dinars et me confia pour le roi de Sarandib une lettre et ses cadeaux. Un vase en cornaline blanche, posé sur une nappe de soie sur laquelle était brodé un guerrier armé d'un arc tendu vers un lion qui avançait sur lui. Des étoffes de fine soie brodées de Bagdad, Koufa et Alexandrie. Un magnifique ensemble de housses de velours cramoisi. Enfin, une superbe paire de chevaux d'Arabie. Le calife voulut bien me dire que je serais conduit jusqu'à Bassora et qu'il ne me restait plus qu'à me préparer au voyage. Je baisai le sol devant lui et me retirai. Puisque notre souverain l'exigeait, je devais donc reprendre la mer. Et puisque j'allais reprendre la mer, il me fallait en profiter pour visiter le monde, rencontrer d'autres gens et me livrer aux négoces. Je m'apprêtai donc à tout cela. J'empaquetai des marchandises très recherchées, propres à supporter la navigation, et on me les transporta de Bagdad à Bassora. J'y vis un navire, prêt à appareiller, sur lequel avait pris place, outre l'équipage et des gardes veillant au cadeau du calife, un groupe de grands négociants. J'embarquai avec eux, trouvai leur compagnie très agréable, et devins leur familier. Nous levâmes l'ancre dans la paix et la tranquillité. Le vent nous fut favorable, si bien que nous arrivâmes à Sarandib au bout de 2 mois de navigation. Je débarquai et fis avertir le roi que j'étais envoyé par le calife de Bagdad et que je souhaitais être reçu par lui. On vint me chercher et je pénétrai dans le palais. On me conduisit à la salle d'audience royale où je baisai le sol devant le souverain. Celui-ci me fit relever et asseoir non loin de lui. Il m'avait reconnu et au comble de la joie, me traitant avec bienveillance et attention, me dit « Tu es donc revenu en notre royaume, cher Sinbad. C'est une bénédiction de te revoir. » Sire, son Excellence le calife Haroun al-Rashid me charge de te remettre cette lettre et les cadeaux que voici. La malle de Sinbad sur le 100.0 FM. Évidemment, c'est en mer que tout se gâta. Tant Khawam que Bencher et Mikael rapportent l'attaque du navire par des monstres marins. 3 hydres terrifiantes, à moins que ce ne fussent des poissons géants. فعند ذلك قام رئيس المركب وشد حزامه وشمر وطلع على الصاري وصار يتلفت يمينا وشمالا وبعد ذلك نظر إلى أهل المركب ولطم على وجهه ونتف لحيته فقلنا يا رئيس ما الخبر؟ فقال لنا اطلبوا من الله تعالى النجاة مما وقعنا فيه وابكوا على أنفسكم وودعوا بعضكم بعضا واعلموا أن الريح قد غلب علينا ورمانا في آخر بحار الدنيا ثم إن الرئيس نزل من فوق الصاري وفتح صندوقه وأخرج منه كيسا قطنيا وفكه وأخرج منه ترابا مثل الرماد وبله بالماء وصبر عليه قليلا وشمه ثم إنه أخرج من ذلك الصندوق كتابا صغيرا وقرأ فيه وقال لنا اعلموا يا ركاب أن في هذا الكتاب أمرا عجيبا يدل على أن كل من وصل إلى هذه الأرض لم ينجو منها بل يهلك، فإن هذه الأرض تسمى إقليم الملوك وفيها قبر سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام، وفيها حيات عظيمة عظيمة الخرقة هائلة المنظر، فكل مركب وصل إلى هذا الإقليم يطلع له حوت من البحر فيبتلعه بجميع ما فيه. Radio Culture Dijon vous présente La Malle de Sindbad. Nous naviguâmes de mer en mer et d'île en île de la plus agréable des façons. Nous étions au comble de la joie et du plaisir. Nous nous entretenions de voyages et de négoces. C'est alors que se mit à souffler un violent vent debout. La pluie tombait à verse. Nous étions trempés et nos paquets s'imbibaient d'eau. Nous mîmes nos marchandises à l'abri sous des prélards et des toiles de peur qu'elles ne se détériorent. Nous implorions le Seigneur, exalté soit-il, et le supplions humblement de nous tirer de cette mauvaise passe. À ce moment, le capitaine du vaisseau retroussa ses vêtements, les serra à la taille avec sa ceinture, puis grimpa au nid de pie. Il tourna la tête à droite et à gauche, puis regarda les passagers et se mit à se frapper les joues, à s'arracher les poils de la barbe. « Mais que se passe-t-il donc ? » criâmes-nous. « Priez Dieu, exalté soit-il, de venir à notre secours dans le danger. Pleurez sur votre sort et changez vos derniers adieux. Le vent contraire nous entraîne vers la plus lointaine des mers du monde. » Il redescendit du mât, alla à son coffre et en sortit un petit sac de coton, qu'il ouvrit pour y prendre une poudre semblable à de la cendre. Il la mélangea de l'eau, attendit un moment et inhala les vapeurs du liquide ainsi formé. Il tira encore de ce même coffre un petit livre qu'il feuilleta avant de nous dire « Passagers, sachez que ce livre révèle quelque chose de très étrange. Il y est écrit que quiconque arrive en ces lieux n'en ressort pas vivant. Il court à sa perte. » Cette terre a pour nom le continent des rois. Elle abrite le tombeau de notre Seigneur Salomon, fils de David, sur eux deux le salut. Des serpents gigantesques et hideux y vivent. Chaque fois qu'un navire s'aventure dans ces eaux du bout de l'univers, surgissent de leur profondeur des monstres marins qui l'engloutissent avec tout ce qu'ils transportent. Ces paroles du capitaine nous jetèrent dans la stupéfaction. À peine en eut-il terminé, que le bâtiment se mit à se soulever hors de l'eau et à retomber. Nous entendîmes une clameur terrible, aussi forte que le grondement du tonnerre. Épouvantés, pétrifiés de terreur, nous fûmes certains que nous allions périr sur l'heure. C'est alors qu'une baleine, aussi haute qu'une montagne, arriva sur nous. Au comble de l'effroi, nous versâmes des larmes abondantes sur notre sort. Nous nous préparions à mourir. Nous regardions ce monstre, hypnotisé par ses proportions terrifiantes. Bientôt, en surgit un autre, plus phénoménal encore. Nous n'avions jamais vu animal plus énorme. Nous nous fîmes nos adieux en sanglotant quand apparut une troisième bête, plus gigantesque que les deux précédentes. Annihilés, perdant la raison, nous étions anéantis par l'épouvante et la terreur. Les trois monstres se mirent à tourner autour du bateau. La troisième bête, arrivée, se précipita pour engloutir le navire, quand une violente rafale de vent souleva ce dernier et le jeta sur un haut fond contre lequel il se brisa, se disloqua et coula, entraînant dans les flots marchandises, négociants et équipages. J'arrachai tous mes vêtements pour ne garder sur moi qu'une tunique légère. Je nageai quelques instants et réussis à atteindre une planche du bateau à laquelle je m'agrippai avant de m'y jucher. Les vagues, déferlant sous les vents, se jouaient de moi tandis que je flottais, accroché à ma planche. Elles me soulevaient, puis me jetaient dans leur creux. J'étais épuisé de fatigue, de terreur, de faim et de soif. Je m'adressais d'amers reproches pour ce que j'avais fait. Mon âme était envahie de lassitude après des jours si heureux. « Ah, Sinbad de la mer, me dis-je, tu es incorrigible. Tu t'exposes à chaque fois aux calamités et aux fatigues, mais tu ne peux t'empêcher de reprendre la mer. Lorsque tu te repens, tu ne fais que semblant. Eh bien, endure maintenant ce qui t'arrive et t'attends, tu le mérites. » Et l'aube, chassant la nuit, Shahrazad dut interrompre son récit. C'était Sinbad le marin, tiré de Scheherazade, de Rimsky-Korsakov. Chez Galland, Antoine Galland, le premier traducteur en langue française, le marin ne fut pas englouti par les filles de Poséidon. Des corsaires s'emparèrent des hommes et de leur cargaison. Sinbad fut réduit en esclavage et vendu à un riche marchand. On ne se refait pas. Son propriétaire, informé qu'il savait manier l'arc, l'envoya à la chasse aux éléphants. Par un hasard malencontreux, notre héros eut l'heure de surprendre le cimetière des éléphants, ce qui assura sa fortune, tant l'ivoire y foisonnait. La mort faisait encore pleuvoir sur lui une ondée de dinars. Affranchi par son maître, généreusement récompensé, il remit une ultime fois le cap sur l'Irak. Néanmoins, il existe une autre voie menant au pays entre les deux fleuves. Plus ardue, elle se niche dans les méandres du naufrage. J'entrepris de ramasser de grosses branches éparses sur le sol, dont j'ignorais alors qu'elles étaient de santal, essence précieuse entre toutes et très rare. Une fois ces branches recueillies, je cherchais, à l'aide de fibres et de lianes poussant sur cette île, à tresser un cordage avec lequel j'assemblais solidement mon radeau. « Si j'en réchappe, me dis-je, ce sera grâce à Dieu. » Je mis le radeau à l'eau, m'y installai et me laissai emporter par le courant de la rivière. Il m'entraîna jusqu'au bord de l'île. Le radeau continua de flotter un premier jour, un deuxième, puis un troisième, s'éloignant toujours. Pendant tout ce temps, je dormis sans rien manger. Lorsque la soif me prenait, je buvais un peu d'eau de la rivière. Je me sentais aussi faible qu'un poussin, étourdi, tellement j'étais fatigué, affamé, inquiet. Mon radeau finit par arriver au pied d'une haute montagne sous laquelle la grande rivière s'engouffrait. Voyant cela, je craignis de passer par les mêmes affres que lors de mon sixième voyage. Je m'étais alors trouvé enserré entre les étroites parois du torrent souterrain. Je tentai d'arrêter la course de mon embarcation et de prendre pied à flanc de montagne. Mais je ne pus résister au courant trop fort qui entraîna le radeau sous terre. Certain d'une fin prochaine, je dis « Il n'y a de force et d'omnipotence qu'en Dieu le Très-Haut le Sublime ». Le radeau fut emporté quelque temps et finit par déboucher dans un large fleuve dont les eaux mugissaient avec un bruit de tonnerre et s'écoulaient à la vitesse du vent. Je me cramponnais à mon esquive de peur d'en être jeté tant les remous me ballottaient et se jouaient de moi de droite et de gauche. Le radeau continuait de descendre avec les eaux. J'étais incapable de le maîtriser et ne pouvais le conduire vers la rive. Il finit par arriver à la hauteur d'une ville impressionnante à voir, aux belles constructions, où se pressait une population nombreuse. Lorsque les gens m'aperçurent sur le radeau qui descendait le courant du fleuve, ils jetèrent un filet tendu en travers et des cordages qui l'arrêtèrent. Ils le tirèrent à la rive, je m'effondrai à leurs pieds, mort ou peu s'en fallait d'inanition, d'insomnie et de terreur. Alors se détacha du groupe un noble vieillard au port majestueux. Il s'approcha, me souhaita la bienvenue et jeta sur moi de beaux vêtements dont je couvris ma nudité. Il m'emmena et me conduisit jusqu'à un hammam. Il m'apporta des boissons fortifiantes et des parfums aux délicieuses senteurs. Nous repartîmes ensuite pour nous rendre chez lui. Sa famille me réserva un aimable accueil. Le vieillard me pria de m'asseoir dans une pièce des plus élégantes et fit servir un repas très recherché. Je me régalai, et une fois rassasié, remerciai Dieu, exalté soit-il, d'avoir épargné ma vie. Après quoi, de jeunes esclaves m'apportèrent de l'eau chaude, des servantes me tendirent des serviettes de soie pour essuyer mes mains et ma bouche. À ce moment-là, le vieillard se leva et fit mettre à ma seule disposition un logis indépendant attenant à sa demeure. Il ordonna à ses jeunes serviteurs et servantes de se mettre à mon service, de répondre à tous mes besoins et de se montrer attentif au moindre de mes désirs. Ils prirent grand soin de moi. Je restai ainsi 3 jours dans cette maison des hôtes, à bien manger, boire agréablement et user de parfums suaves. Je repris mes esprits, oubliai mes angoisses et retrouvai quiétude et sérénité. Le 4e jour, le vieillard, mon hôte, vint me trouver et me dit « Ta compagnie nous est chère, mon fils. Loué soit le Seigneur qui t'a conduit jusqu'à nous, sain et sauf. Veux-tu m'accompagner sur la rive du fleuve ? Nous irons sur le souk, où tu pourras vendre ta marchandise et, avec l'argent obtenu, faire du négoce. » Je me tus en me disant « Ma marchandise ? D'où prend-il cela ?»« Mon fils, ne te fais pas de soucis, insista-t-il, et ne te préoccupe de rien. Viens avec moi sur le souk. Si quelqu'un offre pour ta marchandise un prix qui te convienne, reçois l'argent. Mais si aucune proposition ne t'agrée, garde ton bien dans mes magasins jusqu'à des jours meilleurs pour vendre et acheter. » Je réfléchis un moment. Tu verras bien quelle est cette marchandise dont il parle. J'écoute et t'obéis, mon oncle. Tout ce que tu fais est béni, et je ne puis te désobéir en rien. Je le suivis donc au souk, et constatai que, sur ses ordres, le radeau que j'avais construit de grosses branches de santal avait été débité. Un crieur public mettait les morceaux aux enchères. Et l'aube, chassant la nuit, Shahrazad dut interrompre son récit. Lorsque ce fut là, 565e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sinbad de la mer, après avoir accompagné son protecteur sur la berge où il avait laissé son radeau en bois de santal, se rendit au souk. L'embarcation avait été désassemblée et son bois préparé à l'achat. Le crieur public annonça la vente. Les commerçants, poursuivit Sinbad, se réunirent. Les enchères furent ouvertes et ne cessèrent de monter jusqu'à 1000 dinars. Somme au-delà de laquelle personne ne surenchérit. Le vieillard se tourna alors vers moi et dit « Fils, ton bois de santal a atteint ce prix qui est courant ces jours-ci. Acceptes-tu ou préfères-tu attendre ? Dans ce cas, je le garderai dans mes magasins jusqu'à ce que son prix monte. Alors, nous le vendrons. Seigneur, tu es le maître d'œuvre, il en sera comme tu le souhaites. Mon fils, me vendrais-tu à moi ce santal pour 100 dinars d'or de mieux ? Que ce qu'en offrent les commerçants ? Affaire conclue. Nous topâmes là, puis il ordonna à ses jeunes esclaves de transporter le santal dans ses entrepôts. Nous revînmes ensemble à sa demeure où nous prîmes place. Il calcula le prix, se fit remettre des bourses, y déposa la somme convenue et les munit de cadenas métalliques dont il me tendit les clés. Passèrent des jours et des nuits avant qu'il me prenne à part et me dise « Mon fils, j'ai une proposition à te faire qui me tient à cœur et je voudrais que tu l'acceptes. » « C'est quoi donc ? » ?»« Je suis désormais un vieil homme, sans héritier mâle. J'ai par contre une fille jeune, belle, bien faite et très riche. Je désire te la donner en mariage et tu resteras avec elle chez nous. Je te ferai propriétaire de tous mes biens présents et à venir. Comme je suis âgé, tu prendras ma place pour gérer cette fortune. » Je restais silencieux. Il insista. « Obéis-moi, mon enfant. Je n'ai en vue que ton bonheur. Marié à ma fille, tu seras comme mon fils et tous mes biens t'appartiendront. Si tu prenais l'envie de commercer ou de retourner à ton pays, nul ne t'en empêchera. Tu pourras user de ma fortune et en faire ce que tu voudras et décideras. Par Dieu, mon oncle, je te considère déjà comme mon père. J'ai enduré tant d'épreuves que je ne sais plus où j'en suis ni à quoi me résoudre. Qu'il en soit fait selon ta volonté. » Aussitôt, le vieil homme envoya ses jeunes serviteurs quérir le cadi et les témoins instrumentaires devant lesquels il déclara me donner légalement sa fille en mariage. Il nous offrit à cette occasion un banquet fastueux qui se déroula dans une grande liesse. Je pénétrai alors dans la pièce où se tenait ma femme. Elle était très belle, gracieuse, de jolie taille et fort agréablement tournée. Elle portait toutes sortes de vêtements et de parures féminines. Bijoux, pièces d'orfèvrerie, colliers et pendeloques sertis de joyaux précieux. Tout cela valait des milliers de pièces d'or en quantité telle que personne n'aurait pu en fournir le montant. Lorsque j'entrai dans cette chambre, mon épouse me plut. Nous nous aimâmes et je vécus avec elle longtemps dans une totale harmonie et un grand bonheur. Son père ne tarda pas à être rappelé à Dieu et accueilli en sa miséricorde. Nous le préparâmes et le conduisîmes à sa dernière demeure. Je pris possession de mes biens, y compris les esclaves que je gardais à mon service. Je bénéficiais de la considération dont ils jouissaient auprès des marchands de la cité. Il était leur doyen d'âge et prévôt, n'ignorait rien des affaires qui se traitaient sur la place et rien ne se concluait sans qu'il le sache et l'autorise. Je le remplaçai donc et fus investi de ses fonctions. Je me mis à fréquenter les gens de cette ville et puis les observer à loisir. Je remarquai quelque chose de tout à fait étrange. Chaque mois, les hommes se métamorphosaient. Il leur poussait des ailes qui leur permettaient de s'envoler jusqu'au zénith. Ne restaient en ville que les femmes et les enfants. Je me dis, lorsque viendra le début du prochain mois, je demanderai à l'un d'entre eux de bien vouloir m'emmener là où ils se rendent tous. Quand arriva la fin du mois, ces hommes se mirent effectivement à changer d'aspect et de forme. Je me rendis chez l'un d'entre eux et lui dis « Que Dieu te protège ! Accepterais-tu de me prendre avec toi pour que je regarde ce que vous faites au ciel ? Je reviendrai ensuite avec vous. » « Cela est impossible !» Je ne cessai d'insister jusqu'à ce qu'il m'accorde cette faveur eu égard au lien que j'avais noué avec les gens de cette ville. L'heure arrivée, je m'accrochai à lui et il prit son envol. Je n'avais averti personne, famille, esclaves et amis. Cet homme, me portant sur ses épaules, s'éleva tant que je pus entendre distinctement les anges chanter les louanges du Seigneur sous la voûte céleste. Émerveillé, je murmurai « Glorifié soit Dieu, que grâce lui soit rendue !» Je n'avais pas terminé mes louanges qu'une boule de feu jaillit dans le ciel qui manqua de consumer les hommes volants. Ils plongèrent tous vers le sol et me jetèrent au passage sur une montagne élevée. Au comble de la fureur contre moi, ils m'abandonnèrent et s'enfuirent. Je me retrouvai seul et recommençai à me faire des reproches sur mon comportement. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, le Très-Haut, le Sublime, pensais-je. Je n'échappe à une catastrophe que pour m'exposer à pire encore. J'étais jeté sur cette montagne sans savoir où diriger mes pas. C'est alors qu'apparurent deux adolescents aussi beaux que l'astre de la nuit, qui marchaient en s'appuyant chacun sur une canne en or. J'allai vers eux, les saluer. Ils me rendirent mon salut. Ces éphèbes, nimbés, et que sont ces cannes en or ? Vous le lirez bien assez tôt. Ce qui ne laisse pas de surprendre, c'est l'aspect composite du septième périple, où l'on devine sous-jacent de profondes questions. Que Sinbad soit initié par le peuple des éléphants au mystère de la mort, ou qu'il côtoie des êtres démoniaques, châtiés par le verbe divin, quitte à ce qu'il les sauve des griffes d'un sempiternel serpent rappelant que la fosse s'impatiente d'avaler sa ration de cadavre, il touche du doigt l'achèvement. Il doit impérativement s'assagir. Il n'y aura pas d'autre coup de semonce. Thank you.